Exode chapitre 22. Si quelqu'un dérobe un bœuf, ou un chevreau, ou un agneau, et qu'il le tue ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf, et 4 agneaux, ou chevreaux, pour l'agneau, ou pour le chevreau, que si le larron est trouvé en fracture, et est frappé de sorte qu'il en meurt, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre, mais si le soleil est levé sur lui, il sera coupable de meurtre. Il fera donc une entière restitution, et s'il n'a de quoi, il sera vendu pour son larcin. Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit brebis, ou chèvre, il rendra le double. Si quelqu'un fait manger un champ ou une vigne, en lâchant son bétail qui aille paître dans le champ d'autrui, il rendra du meilleur de son champ, et du meilleur de sa vigne. Si le feu sort, et trouve des épines, et que le blé qui est en tas ou sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé le feu, rendra entièrement ce qui en aura été brûlé. Si quelqu'un donne à son proche, un de l'argent ou des vases à garder, et qu'on le dérobe de sa maison, si l'on trouve le larron, il rendra le double. Mais si le larron ne se trouve point, on fera venir le maître de la maison devant les juges, pour jurer s'il n'a point mis sa main sur le bien de son prochain. Quand il sera question de quelque chose où il y ait prévarication touchant un bœuf, ou un âne, ou une brebis, ou une chèvre, ou un vêtement, même touchant toute chose perdue dont quelqu'un dira qu'elle lui appartient, la cause des deux parties viendra devant les juges, et celui que les juges auront condamné, rendra le double à son prochain. Si quelqu'un donne à garder à son prochain un âne, un bœuf, quelque menue, ou grosse bête, et qu'elle meure, ou qu'elle se soit cassée quelques membres, ou qu'on l'ait emmenée sans que personne l'ait vue, le jurement de l'Éternel interviendra entre les deux parties, pour savoir s'il n'a point mis sa main sur le bien de son prochain, et le maître de la bête se contentera du serment, et l'autre ne la rendra point. Mais s'il est vrai qu'elle lui ait été dérobée, il la rendra à son maître. S'il est vrai qu'elle ait été déchirée par les bêtes sauvages, il lui en apportera des marques, et il ne rendra point ce qui a été déchiré. Si quelqu'un a emprunté de son prochain quelque bête, et qu'elle se casse quelques membres, ou qu'elle meure, son maître n'y étant point présent, il ne manquera pas de la rendre. Mais si son maître est avec lui, il ne la rendra point, si elle a été louée, on payera seulement son louage. Si quelqu'un suborne une vierge non fiancée, et couche avec elle, il faut qu'il la dote, la prenant pour femme. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent, qu'on en donne pour la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Celui qui aura eu la compagnie d'une bête, sera puni de mort. Celui qui sacrifie à d'autres dieux, qu'à l'Éternel seul, sera détruit à la façon de l'interdit. Tu ne fouleras ni n'opprimeras point l'étranger, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. Vous n'affligerez point la veuve, ni l'orphelin. Si vous les affligez en quoi que ce soit, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris, et ma colère s'embrasera, et je vous ferai mourir par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras point avec lui en usurier, vous ne mettrez point sur lui d'usure. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, c'est son vêtement pour couvrir sa peau, où coucherait-il? S'il arrive donc qu'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne médiras point des juges, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point à m'offrir de ton abondance et de tes liqueurs. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis et de ta chèvre, il sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour tu me le donneras. Vous me serez saints, et vous ne mangerez point de la chair déchirée au champ, mais vous la jetterez aux chiens.